Effectivement, je suis bien ce négro. Sur le point culminant de mes rivaux, j'arrive au. Dites à mes proches de ne pas m'attendre. Ce soir, j'élève le niveau. 2007, j'ai levé le rideau. 2008, travaille le maxi. 2009, je crache la force des mots. Oh. 2010, je vagabonde un sac sur mon dos. Autant vous dire, je vais là où le destin m'emmène. Toujours cette même haine. Quand j'entends les sirènes, avant de parler de mauvaises graines, faudrait savoir qui l'a planté. Qui prenait un grand plaisir à l'alimenter. Ici la morale était gris, cimentée. Le soleil brille sur un ciel gris, argenté, monsieur l'agent. Tous veulent l'argent ici. Je m'accroche à la langue de Molière en thérapie. Dites à ma sœur que je l'aime, que ça me zaève de l'avoir travaillé à la chaîne. Putain, faudra faire cracher ma SACEM. Forcé de vous dire, on vit comme on rappe comme on vise. Un télébile sont nos prises. Forcé de vous dire, que on lâchera pas prise. Diox d'hiver dans ce prise, on vit notre rap malgré votre crise. Forcé de vous dire, on prend notre kiff avant de compter le pif. Grâce à notre indépendance, on restera actif. Dites aux majors, prendre leur chiffre, tu connais le tarif. Bim bam, MK Prod, viennent laisser leur griffe. J'compte pas en faire des tonnes, mais je suis forcé de vous dire. Parfois j'en perds les mots, forcé de constater qu'en plus de ça, dans ce game, j'emmerde les modes. Et sans me faire de loge, j'ai tant de respect envers les autres. Depuis que j'ai vu cette garde de base se transformer en belle des champs. Ne me jetez pas la pierre, je n'étais qu'un gosse aveuglé par la peine. J'ai usé de votre langue maternelle parce que rejeté par la mienne. Forcé de dire que je suis qu'un écorché vif, un bordélique. Et si vous me parlez d'une erreur commise, sachez que je referai pas la même. J'ai mes propres paramètres, mon argot. Et ma pitance, j'ai la force du tyran. Sinon je pense que j'en serais pas la mec. J'ai de la gorge, du piment, de la foudre dans mon arabesque. Que j'ai chassé de mon foyer, ce salaud de Cupidon. Parle trop, mutilant toutes les prods furtivement. Je fais ce que j'ai à faire, putain, car sachez que mon art sort du silence. J'ai les mains dans la mer, je marche à la traîne. Barbeau du dimanche, m'accroche au bitume et au béton comme le marmot du ciment. Forcé de vous dire, on vit comme on rappe comme on vise. Un télébile sont nos prises. Forcé de vous dire, que on lâchera pas prise. Diox d'hiver dans ce prise, on vit notre rap malgré votre crise. Forcé de vous dire, on prend notre kiff avant de compter le bif. Grâce à notre indépendance, on restera actif. Dites aux majors, prendre leur chiffre, tu connais le tarif. Bim bam, MK Prod, viennent laisser leur crise. Je n'attends pas que la chance me fasse des signes. Architecte de mon destin, je dessine. Obstiné, j'assassine. Je n'attends rien de personne, je te l'affirme. Je te la ferme, je tiens la forme. J'ai mûri, mais je vogue toujours l'uniforme. Les temps sont durs, je me forge, les tensions dures. Nos tics sont devenus des coupes. Gorge aiguisée comme un coupe-coupe. Mentalité du bled, ici on découpe. Ici c'est pas les States, ma foi, c'est rare quand la roue tourne. Forcé de vous dire, l'aspect de nos vies semblerait être une lutte. J'ai la voix toute niquée, je suis pas joueur de flûte. Dans nos bunkers on apprivoise nos angoisses avant la chute. Diox d'hiver c'est la même lutte. Notre vision du hip-hop sur un même but, sur les mêmes beats. Forcé de vous dire que ça débite, ne la prends pas pour une débile. Ma pièce maîtresse, c'est tout l'art de mon stylo big. Pas de la même planète, divers dealers pour nous suivre. Faudra tenir le bon fil. Forcé de vous dire, on vit comme on rappe comme on vise. Un télébile sont nos prises. Forcé de vous dire, que on lâchera pas prise. Diox d'hiver dans ce prise, on vit notre rap malgré votre crise. Forcé de vous dire, on prend notre kiff avant de compter le bif. Grâce à notre indépendance, on restera actif. Dites aux majors, prendre leur chiffre, tu connais le tarif. Bim bam, MK Prod, viennent laisser leur griffe. Forcé de vous dire, on vit comme on rappe comme on vise. Un télébile sont nos prises. Forcé de vous dire, que on lâchera pas prise. Diox d'hiver dans ce prise, on vit notre rap malgré votre crise. Forcé de vous dire.